lâche le morceau, tu verras, ça peut t'aider. Tu perds envie, viens essayer. Tu verras comme d'autres que ça peut vraiment changer. Oui, t'as passé ta vie à mentir, à racoler. Si tu cherches encore, tu vas te casser le nez. À toutes les copines, venez donc, hey, il faut s'excuser à ce coup qu'on peut pas ignorer. Ipso facto, tiens, ça se complique. On t'a péré d'un petit. Ipso facto, tiens, ça se complique. C'est toi qui as perdu le rapide. Tu laisses, tu casses, rien ne passe, on perd un pas. C'est pas autant Paul. Direct, tu te fais désirer, tu traînes en longueur. Que t'as pas très envie, et sur toi tu es tout en sueur. Laisse, on voit bien que tu n'es plus dans le contrôle. Casanova, Casanova. Plus de terre battue et plus de gazon vert. Casanova, Casanova. On t'a mis au rancard, oui, on t'a mis au vert. Envie, et si toi tu es tout en sueur, laisse, on voit bien que tu n'es plus dans le.